cross. Pas besoin de piston, ton vie sur la piste. Tous les vaillants de la ville, collègues de loin ou de près. Toujours à faire beaucoup de bruit, nous fait d'abord et on parle jamais. Tes jeux sont faits, tant que ça dans ta tête. On va jamais prendre un lourd à la roulette. Non, non, jamais. T'étais où quand je remets? Traite, on se barre d'ici. J'étais pas là. Je vous la bloquer. On se barre d'ici.